l'anglais ne dérive pas lui non plus directement du latin, mais plus de 70% de son vocabulaire tout de même est d'origine latine, car le fond germanique originel a été francisé par les Normands, quand il n'était pas carrément issu du latin, comme en témoignent les 12 mois de l'année, calqués sur le latin. Voici quelques autres exemples. Britannia est le nom donné par César à ce que nous appelons la Grande-Bretagne, donc compris l'Écosse. Le castrum, latin, camp militaire, a donné de nombreux Chester. Le terme anglais quiet est lui aussi le descendant direct de la racine latine quiet, repos, que nous avons dans quiétude et inquiet. La datation anglaise utilise, depuis le XIIIe siècle, AD, abréviation du latin Anno Domini, équivalent de notre après Jésus-Christ français. Et quotidiennement, ces mêmes Britanniques répartissent la journée en deux. AM, du latin ante meridiem, avant midi, et PM, du latin post meridiem, après midi. Le célèbre habeas corpus, qui protège depuis 1679 non seulement les Anglais, mais encore tous les citoyens nord-américains contre la détention arbitraire, est une expression raccourcie qui vient tout droit du latin. Sans parler du 1,5 milliard d'anglophones dans le monde entier qui utilisent ces éléments issus du latin, notons tout de même que Britanniques et Allemands, au total 150 millions de personnes, représentent la moitié de la population européenne qui dispose donc de bases pour se mettre au latin. Et ce latin pourrait être la voie idéale pour communiquer avec les autres Européens.